Lettre 115e, Calpurnie à son frère Lucius, Nicomédie, mai 305. Il a fini, il n'est plus. Cette nuit fatale a terminé la plus belle vie. Je n'ai pas à me vanter de son attachement, mais je n'en avoue pas moins avec orgueil que je l'ai aimé comme je n'avais encore aimé personne et comme je n'aimerai jamais. Je le vis pour la dernière fois, 2 jours avant sa mort, et je parviendrai à l'âge de Titon que je ne perdrai jamais le souvenir de son visage pâle, de ses chaînes, de son attitude exprimant encore une noble fierté au milieu de ses gardes. C'est ainsi que les rois prisonniers marchaient devant le char du triomphateur. Mon cœur ne pouvait plus se contenir, un désespoir affreux le déchirait. Je courus vers Théophanie et j'entendais le bruit de ses chaînes qui retentissaient sur mon cœur. Quel moment que celui où sa femme le reçut dans ses bras. Ni l'un ni l'autre ne s'aperçurent de ma présence. Je sortis, ne pouvant plus supporter ce spectacle de douleur. Une heure s'écoula, la plus cruelle de ma vie, jusqu'au moment où un de leurs prêtres vint m'avertir qu'on emmenait Agathoclès. J'avais désiré de le savoir, je voulais lui parler encore une fois. Je courus, tremblante, pour me rendre dans l'atrium. Il y était déjà appuyé contre une colonne. On lui remettait des fers aux pieds et aux mains. Je l'appelais, il ne m'entendit pas, des sons plaintifs s'exhalaient de sa poitrine. Mon amour se réveilla dans toute sa force, je courais à lui, je le serrais dans mes bras. Qu'avais-je à craindre? Il était sur le bord du tombeau, emportant avec lui mon secret. Enfin, il se tourna de mon côté, et un mélange de surprise et d'attendrissement se peignit sur ses traits contractés par la douleur. Il voulut m'entourer de ses bras. Ses fers l'en empêchaient. Je pris le bout de la chaîne, je la passai autour de ma taille. Ainsi enchaîné avec lui, je le serrai contre mon cœur qui battait à la fois d'émotion, de chagrin et même d'une espèce de bonheur indéfinissable. De longtemps, il ne put prononcer un mot. Lorsqu'il put trouver des paroles, il me remercia des soins et de l'attention que j'avais pour sa femme et de l'amitié que je lui témoignais jusqu'à la mort. « Ce n'est point de l'amitié que j'ai eue pour toi, Agathoclès, lui dis-je, entraîné malgré moi et d'une voix forte et assurée. La mort est au-dessus de la dissimulation et je connais la noblesse de ton caractère. Pour la première et dernière fois, apprends à me connaître entièrement et juge alors de ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai adoré, Agathoclès, de toute la force de mon âme dès les premiers moments de notre connaissance. Si ton mariage et le mien ont changé la nature de mes sentiments, tu n'en es pas moins encore le seul homme que j'ai aimé avec passion. » Je me tus et je le regardai attentivement. Il baissa les yeux, ses bras s'inclinèrent, les chaînes retombèrent sur le marbre avec un bruit lugubre. Un sourire douloureux se montra sur ses lèvres. « J'ai donc aussi à me faire des reproches à ton sujet, me dit-il. J'ai donc aussi déchiré ton cœur. » Et après une pause, « Pardonne, Calpurnie. » Il me tendit la main. « Pardonne. » Si j'ai troublé les heures fortunées de ta vie, si je t'ai méconnu, si peut-être ma conduite t'a blessé et t'autorisait à me méconnaître, que ton ami près de mourir emporte ton pardon. Je ne m'attendais pas à cette réponse et je restais muette à mon tour. Mes yeux se baissèrent. J'eus honte de ce qui m'était échappé. J'avais ajouté un sentiment pénible à ceux qui déchiraient son âme. L'ivresse de l'enthousiasme disparaissait. Je ne sentais plus pour lui qu'une affection de sœur et un saint respect. Je lui donnai ma main. « Ne crois pas, Agathoclès, lui dis-je, que mon intention ait été de te faire des reproches. Non, je ne t'en fais aucun. Je n'ai rien à te pardonner. C'est moi qui te demande de prononcer le mot de pardon et d'amitié. » Il pressa ma main contre son cœur. « Tu es toujours bonne, excellente. Reçois encore mes remerciements pour les moments agréables que j'ai passés avec toi, pour chaque preuve de ton amitié. » N'en prive pas, ma trop malheureuse Théophanie. Reçois-la de moi comme ton ami et comme l'objet le plus précieux que je puisse te léguer. » À ces paroles, je versai des torrents de larmes, mais je ne voyais en lui qu'un tendre ami. Je lui promis de chérir sa femme comme une sœur bien-aimée. Je me sens vraiment son ami dans ce moment. Ah, que n'aurait pas fait de moi cet homme, si une ancienne inclination n'eût pas mis une barrière insurmontable entre nous. Son Dieu fut devenu le mien. « Ah, Lucius, il est mort, perdu à jamais pour moi. » Tiridate et un vénérable prêtre chrétien restèrent avec lui le dernier jour. Il était calme et résigné dès qu'il ne pensait pas à sa femme. Il employa la soirée à écrire différentes lettres, puis il se coucha et dormit d'un sommeil tranquille jusqu'au moment où les lecteurs vinrent le chercher. À peine une légère rougeur parut sur son visage. Il se leva, embrassa ses amis, les chargea de ses derniers adieux pour sa femme et suivit les lecteurs. Tous ses serviteurs se trouvèrent à la porte de la prison. Ils avaient voulu voir encore une fois leur maître. Il leur parla avec bonté, les déclara libres, les renvoyant à un testament qu'il avait fait dans la prison et remis à Tiridate. Il monta sur l'échafaud et « Oh, mon frère !» Non, cette terre n'était pas digne de lui. Rien, rien ne peut consoler ses amis de l'avoir perdu. Depuis son entrevue avec son mari, Théophanie n'a joui de sa raison que par moments. Nous désirions que cet état durât jusqu'après le supplice et que l'heure de sa mort lui fût inconnue. Mais n'est-ce pas très singulier, et peut-on l'attribuer seulement au hasard? Le matin de ce jour terrible, elle sortit de son état de léthargie, nous fixa tous avec des yeux hagards et s'écria « Dieu, à présent, il est mort !» ajouta-t-elle en retombant sur son oreiller comme étant elle-même privée de vie. Au bout de quelques instants, ses yeux se rouvrirent, son regard était plus serein, elle nous demanda l'heure et se tut en souriant d'une manière étrange. Lorsqu'Apelles rentra, elle lui dit l'heure à laquelle elle croyait que son mari était expiré. Il en fut frappé, c'était la vérité. Elle le conjura de lui répéter chaque circonstance, chaque mot, chaque mouvement d'Agathoclès. Et ce qui me semblait de voir l'attrister davantage paraissait la consoler. Depuis lors, elle a conservé sa raison. Elle s'efforce de montrer du courage. Elle est tranquille, presque muette. On dirait qu'elle n'a plus qu'une vie intérieure. Mais elle n'est pas, à beaucoup près, aussi froissée que j'avais lieu de le craindre d'après son caractère. Quelles sont les causes de cette force, presque surnaturelle chez un être aussi faible? Comment peut-elle vivre sans celui qui était si nécessaire à son existence? Dois-je croire que c'est l'effet de cette religion? Comment est-il possible que la foi aux divinités ou à un seul Dieu puisse produire cet effet? Mais s'il se produit, il faut convenir que la religion chrétienne est d'une bien plus grande influence sur l'esprit que la nôtre. Nous avons proposé à Théophanie de l'emmener avec nous à Ecbatane. Je l'aime, je la respecte, et puis n'a-t-elle pas été la compagne d'Agathoclès? Mais elle préfère de se rendre en Syrie chez une ancienne amie. Leur lien est encore resserré par la conformité de religion. Je n'avais rien à opposer contre de telles raisons, et je vois avec chagrin le moment qui nous séparera. Il ne me restera rien, rien du tout de mon ami, pas même la possibilité d'être utile à ceux qu'il laisse. Je sentais que mon chagrin s'adoucirait en étant pour eux ce que je n'avais pu être pour lui. Oh, Lucius, il était tout, tout pour moi. Je ne puis me faire à l'idée qu'il n'existe plus et que jamais, jamais, je ne le reverrai. Adieu, mon frère. Aussitôt que Théophanie sera en état de voyager, nous quitterons aussi Nicomédie pour n'y revenir jamais. Notre père retourne à Rome, et j'ai juré de ne plus approcher des lieux où j'ai éprouvé tant de peine, et enfin celle qui ne s'effacera jamais de ma vie, la perte du meilleur des hommes. »